Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Aujourd'hui, l'émission « Ils écrivent et en plus ils causent » vous présente « Ton voisin de la Garlée ». Bonjour Tédé. Vous allez nous présenter votre nouveau roman, « Un supplément d'âme et l'addition ». Pouvez-vous nous décrire un peu l'histoire ? Je suis parfaitement incapable de décrire une histoire. C'est pour moi pire que faire une autopsie, donc la lectrice, le lecteur sera en mesure de le faire. Je pense que c'est leur talent. Comme je le dis en quelques mots, cette histoire, c'est un homme entre le ciel et l'enfer. Un homme qui va plus loin, le plus loin possible au bord de lui, sont des endroits qui sont humainement difficilement fréquentables. Il ne le fait pas pour lui. Vous prenez le ciel, vous prenez l'enfer, vous naviguez entre les deux, et lui, il essaye d'y survivre. Le mieux, c'est peut-être, le plus simple, c'est peut-être de lire un extrait pour donner une petite idée de ce que ça peut être comme histoire. Voilà un extrait. De chacune de mes secondes, seconde par seconde, c'est comme prendre son élan pour se jeter contre un mur, comme prendre son inspiration au fond d'un lac à chaque minute, puis, chaque heure, recompter les minutes et les secondes comme un fou, en espoir de vous, en désespoir de moi. Vous êtes mis à rôder jusqu'à me pousser à fréquenter les nuits les plus infâmes, m'y repêter, m'y vautrer, jusqu'à m'injecter le plus fort et le plus dur, le plus innommable, pour délayer dans n'importe quel oubli mon sang qui coagule, jusqu'à me devenir infréquentable. Mes secondes, mes minutes, mes heures sont devenues des jours qui font 100 fois leur âge, des semaines et des mois, et ma vie s'est mise à me filer entre les doigts, vrillée par l'épinglier d'un rouet rouillé qui n'aurait pas pu faire plus de dégâts. Sans vous. Sans vous, j'ai joué mon cœur dans des endroits terribles, j'ai misé perdant à chaque fois pour m'abrutir de vous, et je suis revenu 1000 fois sur les lieux de mes crimes, dans des tripots sordides, m'abandonnant aux tricheurs pour rejouer ce qui me restait de dignité, et j'ai cherché et cherché encore des mots qui brillent dans le noir, que je n'ai toujours pas trouvé. Merci Tédé pour cette belle lecture qui, je pense, nous a aussi fait découvrir votre style. Comment peut-on se procurer votre livre ? Pour se procurer le livre, vous pouvez le trouver dans toutes les vitrines internet, Fnac, Chapitre, Gilbert Joseph, Décitre, Amazon, toutes les librairies en France, à l'étranger. C'est aussi référencé via Dilicom. Bref, sur le réseau, online ou offline, le livre, vous pourrez le trouver assez facilement. Voilà, voilà. Vous avez déjà écrit plusieurs romans, ainsi que des essais. Pouvez-vous nous en parler ? Pour ce qui concerne ma biographie, au niveau de mes romans, vous les trouverez aux éditions Laura Marr. Les gens me connaissent plus pour mes essais aux éditions privées Michel Lafon, notamment « Vivre avec des cons ». Travailler avec des cons, travailler moins, gagner plus. Donc tout ça, vous pouvez le trouver également en poche aux éditions J'ai lu Flammarion. Voilà, voilà. À très bientôt, j'espère. Merci ton voisin de la Garlée d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre roman, Un supplément d'âme et l'addition, paru aux éditions Laura Marr. Bonne journée à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban le Psy, licence art libre.